C'est vrai, Nicolas. Ça c'est pour la mafia de la Wenge. Le rôle à faire à participer à paix, à salaire à paix. Il y a un autre sommet en Zemboya. Il y a président JB. Aïna le piment, c'est ma passe. Nakoma isole na mokili ya se Nakoma polole na mokili pona bosoba Tongo butu moipo kona kole Nalela Nalela Nalela Sparta yo temwe Nalela Choisis ma tata yo temwe Nalela, chise a chuluni temwe nalela Nalela, kongo masola temwe Nalela Nalela Bolingo, bolingo, bolingo Bolingo, bolingo, bolingo, bolingo Kolinga mosu sobo ya basi Yeah. Merci.